Le poète Li Taipei. Nouvelle. Louange à notre contemporain Li, à l'immortel exilé sur la terre. Chanter les vers et remplir sa coupe de vin, ce furent là tour à tour les deux phases de sa vie. Les replis de son cœur ne renfermant rien que de pur et de noble, il sut se conserver intègre dans des temps de corruption. Quand il abaissait son pinceau, les vents et les pluies obéissaient comme jadis à la voix des anciens sages. En écrivant aux barbares dans leur propre langue, il recula les bornes de son imposante renommée. Ses vers et ses chansons rayonnèrent partout l'empire, pareils aux croissants radieux. Ne dites pas que les œuvres du poète de génie passent et s'effacent, car la lune éclatante est toujours suspendue au-dessus des rives du fleuve Tseichi. Sous le règne de l'empereur Yuan Zhong, il monta sur le trône l'an 713 de Jésus-Christ, de la dynastie des Tang vivait un poète de génie appelé Li Pei, dont le nom honorifique fut Tai Pei. Il descendait à la 9e génération de l'empereur Wu Ti de la dynastie des Liang occidentaux et était originaire de Qingcheu dans le petit royaume de Shou. Comme il avait été conçu pendant un rêve de sa mère par l'influence de l'étoile de Vénus, ce fut en l'honneur de cet astre nommé Tai Pei Xing que le poète reçut ce surnom. Doué d'un visage charmant, remarquablement beau et bien fait dans toute sa personne, Tai Pei décelait par tous ses mouvements pleins d'une douce noblesse un homme destiné à s'élever au-dessus de son siècle. À l'âge de 10 ans, grâce à la pénétration de son esprit, il découvrait le sens des livres saints et des ouvrages historiques. Chaque parole sortie de sa bouche était d'une élégance parfaite. On vantait partout le tour brillant de sa pensée et l'éclat de sa diction. C'était, disait-on, un immortel descendu sur la terre. De là vint qu'il fut aussi surnommé l'immortel exilé. Le poète tout fou, directeur des travaux publics, nous en a laissé une preuve dans les vers suivants. Le poète tout fou est un célèbre poète contemporain de Li Taipei. Les vers cités en tête de cette nouvelle sont probablement de lui. La Bibliothèque royale possède les ouvrages de ces deux écrivains. Monsieur Potier a donné leur portrait dans sa description historique de la Chine. Naguère vivait Wang Ke, autre nom de Li Taipei, surnommé aussi l'immortel exilé sur la terre. Quand son pinceau s'abaissait sur le papier, les vents et la pluie s'arrêtaient épouvantés. Ses vers faisaient pleurer d'émotion les esprits et les génies. Aussi, sa réputation fut grande, mais il restait tout le jour plongé dans une douce ivresse. L'élégance de ses écrits attira sur lui les faveurs de la cour, et ses poésies, circulant dans l'empire avec la rapidité du torrent, prirent place au-dessus des compositions vulgaires. Or, Li Pei s'appelait lui-même le lettré retiré du nénuphar bleu. Toute sa vie, il aima boire et s'occupa fort peu de courir après les places ou les grades littéraires. Mais possédé du désir de voyager d'un bout à l'autre de l'empire, il visita toutes les montagnes célèbres et goûta tous les vins fameux. D'abord, il gravit la montagne Ngomei, montagne fameuse située dans le Sichuan, département de Kiating, arrondissement de Mei. Puis fixa sa demeure près du lac Yunmeng, lac célèbre du pays de Tsu. Se Ma Xiangju lui donna 90 lieues de circonférence et s'alla cacher ensuite sur le mont Tsu Laichan. Retiré près de la petite rivière des bambous avec Kong Chao et 4 amis du même genre, il buvait jour et nuit. on les avait surnommés les six solitaires de la rivière des bambous. Quelqu'un, ayant vanté devant Li Taipei la qualité supérieure du vin de Niaoqing dans le Hucheu, province de Zhejiang, la distance de 1000 lis, 100 lieues, ne l'arrêta pas, et il s'y rendit. Installé dans une taverne, il s'abandonnait au plaisir de boire sans prendre garde à ses voisins lorsque vint à passer par là Kiaïe, le commandant de la cavalerie. Les chansons du poète frappèrent son oreille et il envoya des gens de sa suite demander quel était cet homme. Pour toute réponse, Li Pei improvisa ses 4 vers. Le lettré retiré du nénuphar bleu, l'immortel exilé sur la terre a déjà vu 30 printemps, mais il fuit la renommée au fond des tavernes. Pourquoi cette question, ô commandant du Hucheu? Celui qui chante est une incarnation de Bouddha, du dieu qui répand l'or et l'abondance. Mais alors, s'écria le commandant stupéfait, ce doit certainement être l'immortel exilé du royaume de Shou. Le poète Li, il y a longtemps que sa réputation est parvenue jusqu'à moi. Aussitôt, il invita le poète à venir le voir, le traita pendant 10 jours et le combla de présents. Puis, au moment de recevoir ses adieux, il lui dit « Pour un homme de génie comme le lettré du nénuphar bleu, obtenir les grades littéraires, arriver aux honneurs serait la chose du monde la plus facile. Que n'allez-vous faire un tour à la capitale pour y chercher l'avancement qui vous attend? » Aujourd'hui, répondit Li Taipei, je vois l'administration en proie à de grands désordres. Il n'y a plus d'équité. Pour obtenir une place distinguée dans le concours, il faut solliciter la faveur. Si l'on gagne les juges par les présents, alors seulement on pourra usurper un grade et une réputation. Sans ces deux moyens, eussiez-vous la sagesse d'un Kung Fu Tse ou d'un Meng Tse, les talents d'un Chao et d'un Tong, vous ne pouvez vous faire jour par vous-même. Chao Tse, historien du temps des Han. Chong Hu, historien du royaume de Qin. Voilà pourquoi, fuyant les boutades d'examinateurs sans conscience, je partage ma vie entre le vin et la poésie. Les choses se passent ainsi, j'en conviens, répliqua le commandant Kiaïe, mais vous n'êtes inconnu à personne, et une fois dans la capitale, les protecteurs ne vous manqueront pas. Le poète, converti par ces paroles, se met en route pour Chang'an. À son arrivée, comme il faisait un tour de promenade près du palais, il rencontre le docteur de l'académie impériale, Ho Chi Chang. Tous les deux ayant décliné leur nom se saluent avec respect et l'académicien emmène Li Pei à la taverne. « Oh, l'ami sincère !» dit en marge l'éditeur chinois. Là, il ôte ses pendants d'or et la queue de martre qui décore le devant de son bonnet, puis les voilà qui boivent sans désemparer jusqu'à la nuit. Cédant aux instances de son ami, Li Pei consentit à descendre dans sa maison. Il garda Li Pei dans sa maison et abaissa son lit. Voici l'origine de cette expression. Qin Fan, homme pauvre et fier, recevait peu de visites, mais il avait une grande estime pour un lettré distingué, gouverneur de Nancheu sous les Han, qui se nommait Xin Qi. Qin Fan gardait dans sa petite maison une couchette suspendue au plancher, réservé à Xin Qi, qui l'abaissait quand celui-ci venait le voir et relevait tout le temps de l'absence de son ami. Et il s'établit entre eux une intimité de frères. Le lendemain, donc, le poète avait fait porter ses bagages chez Ho Chi Chang. Leurs jours se passaient à discuter sur la poésie et à goûter le vin. L'académicien et son hôte étaient fort contents l'un de l'autre. Cependant, le temps marche toujours et l'époque des concours fut bientôt arrivée. Alors l'académicien donna à Li Pei l'avis suivant. Les examinateurs qui siégeront ce printemps pour la province du Sud sont Yang Kuei-chang, premier ministre et frère de l'impératrice, et Cao Li-tse, commandant des gardes impériales. Ces deux personnages aiment beaucoup ceux qui leur font des présents, et si mon sage frère cadet n'a pas d'argent pour acheter leurs recommandations, bien que son savoir s'élève jusqu'aux nues, tout accès auprès de l'empereur lui sera fermé. Or, j'ai l'avantage de les connaître particulièrement l'un et l'autre. Je vais donc écrire un billet qui vous recommande d'avance à ces magistrats. Peut-être cela vous obtiendra-t-il quelques égards. Malgré la supériorité de son mérite et la hauteur de son caractère, Li Taipei se trouvait dans des circonstances où l'intrigue était assez puissante pour qu'il ne dût pas négliger cette marque de bienveillance, surtout de la part d'un académicien. Ho Chi écrivit donc comme il l'avait promis. Les deux chefs du concours ouvrirent la lettre et, souriant avec dédain, s'écrièrent. Après avoir palpé l'argent de son protégé, l'académicien se contente de nous envoyer un billet qui sonne le creux, et cela pour attirer notre attention et nos faveurs sur un homme nouveau, sans grade, sans titre. Au jour décisif, rappelons-nous bien le nom de Li Pei et la composition signée par lui. Sans nous arrêter à la juger, jetons-la au rebut. Le troisième jour du troisième mois, l'examen provincial commença, et les lettrés distingués de l'Empire s'empressèrent de présenter leurs compositions. Quant à Li Pei, plus que capable de tenter cette épreuve, il trace rapidement sur le papier son travail, qu'il écrit de verve, et le dépose le premier sur le bureau. Or, dès qu'il vit le nom de Li Pei, l'examinateur Yang Kui ne se donna pas même le temps de parcourir la page. À grands coups de pinceau, à tort et à travers, il biffe la composition en disant « Un pareil barbouilleur est bon tout au plus à broyer mon encre ». On sait que les Chinois broient leur encre sur une pierre plate et l'appliquent ensuite avec le pinceau. « Broyer de l'encre ?» interrompit l'autre examinateur Kaoli. « Dites donc plutôt qu'il n'est bon qu'à me chausser mes bas et à me lasser mes bottines. » Puis, après ces grossières plaisanteries, la composition de Li Taipei fut jetée de côté. On a raison de dire, quand vous présentez un travail au concours, ne songez point à réussir dans l'Empire, songez seulement à réussir auprès des examinateurs. Ainsi repoussé honteusement par les présidents du concours, Li Taipei fut saisi d'une colère qui s'éleva jusqu'au ciel, et de retour chez lui, il s'écria « J'en fais le serment. Si dans la suite mes espérances sont remplies, je veux ordonner à Yang Kui de broyer mon encre et à Kaoli de me lasser mes bottines. Alors mes vœux seront comblés. » L'académicien fit tous ses efforts pour calmer l'indignation du poète. « Restez tranquille dans ma demeure jusqu'à nouvel ordre, lui dit-il. Vivez-y dans l'abondance, en attendant que dans 3 ans s'ouvre un nouveau concours. Les examinateurs ne seront plus les mêmes, et vous êtes sûr de réussir. » Ils continuèrent donc de vivre ainsi. Ho Chi et son hôte restaient tout le temps à boire et à faire des verres. Cependant, les jours passent, les mois se succèdent, et une année s'était rapidement écoulée lorsque des ambassadeurs étrangers arrivèrent chargés d'une lettre de leur souverain. Aussitôt, un envoyé de la cour vint transmettre à l'académicien Ho Chi l'ordre d'accompagner les envoyés et de les faire descendre à l'hôtel des postes. Le lendemain, les gardes de la porte du conseil déposèrent cette lettre dans la salle d'audience, et l'empereur Yuan Song chargea les docteurs du collège académique de l'ouvrir. Mais il n'y en eut pas un qui pût déchiffrer un seul mot, et tous prosternés aux pieds des marchés d'or déclarèrent humblement à sa majesté que ce papier ne contenait que des pattes de mouche. « Vos sujets, ajoutèrent-ils, ont une science très bornée, très peu profonde, ils sont incapables d'en lire un mot. » À cette réponse, l'empereur se tourna vers l'examinateur provincial Yang Kui-chung et lui ordonna de prendre connaissance de la note. Yang ouvre donc le papier, le parcourt. Mais ses yeux se promènent comme ceux d'un aveugle sur ses caractères. Il n'y entend rien non plus. En vain, Sa Majesté s'adresse à tous les officiers civils et militaires qui remplissent la salle d'audience. Il ne s'en trouve pas un parmi eux capable de dire si cette lettre porte des paroles de bonheur ou de malheur. L'empereur, transporté de colère, éclate en reproches contre les grands du palais. Quoi, parmi tant de magistrats qui représentent les lettres et l'art de la guerre, il ne s'en trouve pas un assez savant, assez érudit pour partager avec nous l'ennui de cette affaire? Si cette lettre ne peut être lue, comment y répondre? Si les ambassadeurs sont congédiés ainsi, nous voilà la risée des barbares, les rois étrangers se moqueront de la cour de Nanking. Puis, sans doute, saisissant la lance et le bouclier, ils accourront envahir nos frontières. Que faire alors? Eh bien, si dans 3 jours personne n'a déchiffré cette lettre, tous les appointements sans exception sont supprimés. Si dans 6 jours personne n'a pu en venir à bout, toutes les charges sont retirées. Enfin, si dans 9 jours j'attends en vain cette explication, la mort fera justice de ces ignorants magistrats et nous élèverons en dignité d'autres sujets vertueux et capables qui puissent rendre quelque service à l'Empire. Terrifiés par cette déclaration sortie de la bouche du souverain, les magistrats gardent un morne silence. Aucun n'osait hasarder une observation à Sa Majesté, ce qui redoublait encore sa colère. Cependant, de retour chez lui, l'académicien Ho Chi fit part à son hôte Li Pei de ce qui venait de se passer à la cour. Le poète l'écouta avec un froid sourire. « Combien il est regrettable, dit-il ensuite, combien il est fâcheux que moi, Li, je n'ai pu, au concours de l'an dernier, obtenir un grade qui m'eût conféré une magistrature. Hélas, il ne m'est pas possible de partager avec Sa Majesté l'ennui qui l'accable. » En effet, reprit Ho Chi frappé d'une idée subite, je songe que mon sage frère cadet est versé dans plus d'une science et qu'il pourrait bien lire cette lettre fatale. Il faut que j'aille au pied du char impérial vous proposer à Sa Majesté sous ma responsabilité personnelle. Le lendemain, Ho Chi se rend à la cour, passe au milieu de la double haie de courtisans et, arrivé devant l'empereur, il s'exprime en ces termes. « Sire, votre sujet ose avertir son prince qu'il a, dans son humble maison, un lettré de grand talent du nom de Li Pei. Il est profondément versé dans plus d'une science. Priez-le de lire la lettre des étrangers, car il n'y a rien dont cet homme ne soit capable. » Le conseil plut à Yuan Zhong, et un envoyé du palais alla chez le docteur du collège académique porter au poète l'ordre de se présenter devant Sa Majesté. Li Pei fit des objections à l'envoyé impérial. L'humble sujet est un homme sans grade encore et sans titre. Il n'a ni talent ni connaissance, tandis que la cour abonde en officiers civils et militaires, tous également distingués par leur profonde érudition. Comment donc se fait-il qu'on ait recours à un homme pauvre et inutile comme moi? En osant répondre à cette invitation émanée de la cour, l'humble sujet craindrait de se rendre coupable envers les nobles du palais. Et par ces mots, les nobles du palais, il lançait une pointe indirecte contre les deux examinateurs, le premier ministre Yang Kuei et le chef des gardes Cao Li. Lorsque cette réponse fut rendue à l'empereur, il demanda à l'académicien Ho Chi pourquoi son hôte ne s'était pas rendu à l'appel qui lui était fait, quelle était en cela sa pensée. « Sire, répondit Ho Chi Chang, votre sujet sait positivement que Li Pei est un homme de mérite, au-dessus de tous ceux de son époque, et dont les compositions littéraires frappent d'étonnement et d'admiration. » Au concours de l'an dernier, son travail a été biffé, jeté de côté par les examinateurs, et on l'a mis lui-même honteusement à la porte. Maintenant que Sa Majesté l'appelle à la cour, il n'a ni titre ni grade, son amour-propre est froissé. Votre sujet ose donc vous prier, sire, de répandre sur mon ami vos nobles faveurs et d'envoyer vers lui un magistrat supérieur. Je suis sûr qu'il se hâtera d'obéir aux volontés impériales. « Eh bien, soit, répondit l'empereur, sur la proposition de notre académicien, nous conférons à Lippe le titre de docteur du premier rang, avec la robe violette, la ceinture d'or et le bonnet de gaze. Voici de plus un ordre officiel pour qu'il se présente à la cour. Notre académicien Ho Chi voudra bien se charger lui-même d'aller porter cette nouvelle à Lippe et de l'amener vers nous. Il y a lieu de croire qu'il ne refusera pas. » Ho Chi retourna donc vers Lippe le prier de se rendre à la cour pour lire la lettre des ambassadeurs et lui déclara en même temps combien l'empereur, au milieu d'un si sérieux embarras, comptait sur le secours de ses lumières. Aussitôt, Lippe revêtit son nouveau costume, qui était celui des examinateurs en chef, se tourna vers le palais impérial et salua. Puis, sans plus tarder, il monte à cheval et entre au palais à la suite du docteur Ho Chi. Assis sur le trône d'or, Yuan Tsang attendait avec impatience l'arrivée du poète qui, s'inclinant au pied des marches, exécuta une danse mêlée de salutations et cria « Vive l'empereur !» pour témoigner au prince sa reconnaissance. Enfin, après s'être de nouveau prosterné, il se tint debout. De son côté, dès qu'il eut vu paraître Lippe, l'empereur, pareil à un pauvre qui vient de trouver un trésor, aux ténèbres soudainement illuminées, à un affamé à qui on présente de la nourriture, à une terre sèche et aride à l'approche de la pluie, l'empereur ouvrit sa bouche d'or et sa voix de jade laissa tomber ses paroles. Des ambassadeurs étrangers viennent de nous remettre une lettre dont personne n'a pu lire un mot. Nous vous avons envoyé chercher, docteur, afin que vous nous soulagiez de ce souci. Sire, répondit poliment Lippe avec un salut, les connaissances de votre sujet sont bornées, car sa composition a été éliminée par les juges du concours, et le seigneur Cao Li a jeté à la porte votre humble sujet. Aujourd'hui qu'il s'agit de lire la lettre du souverain étranger, comment se fait-il que les examinateurs ne se soient pas chargés de cette réponse, puisque déjà depuis si longtemps elle est attendue des ambassadeurs? Votre humble sujet, lettré mis hors du concours, n'a pu satisfaire aux vœux des examinateurs. Comment pourra-t-il remplir l'attente de votre majesté? Nous savons ce que vous valez, reprit Yuan Tsang. Cessez de vous excuser ainsi. Et il fit remettre aux mains de Lippe la lettre en question. Celui-ci, la parcourant des yeux, sourit avec un profond dédain, et debout devant le trône impérial, il se mit à traduire couramment en chinois la lettre mystérieuse qui contenait ce qui suit. Lettre du grand Koto, du royaume de Pohai, peuple de la nation Tongouze qui soumirent une partie de la Corée dont ils étaient dépendants et fondèrent au commencement du 8e siècle un empire que les Khitan détruisirent en 925. Leur chef avait le titre de Koto. Au prince de la dynastie des Tang, depuis que vous avez usurpé la Corée avait été soumise aux Chinois en 668 sous Cao Tsang, et poussé vos conquêtes jusqu'aux confins de nos États, vos soldats, par de fréquentes excursions, violent notre territoire. Nous espérons que vous voudrez bien vous expliquer à cet égard, et ne pouvant supporter patiemment un tel état de choses, nous envoyons des ambassadeurs vous dire que vous devez abandonner entre nos mains les 176 villes de la Corée. Nous avons des choses précieuses à vous offrir en compensation, savoir les plantes médicinales des monts Taipei-chan, montagne qui sépare la Corée du pays des Mandchous, les tissus de la mer méridionale, les tambours de guerre de Tse-Ching, les serres de Fuyu, les chevaux de Sopin, la soie de Wuo-Che-Wu, les poissons noirs du fleuve Meito, les prunes de Kieutu, les bois de construction de Lo-Yeou, de toutes ces choses, il y aura une part pour vous. Si vous n'accédez pas à ces propositions, nous lèverons des troupes pour porter chez vous la guerre et le carnage, et nous verrons de quel côté restera la victoire. Après cette lecture à laquelle ils avaient prêté une oreille attentive, les magistrats furent frappés de stupeur. Ils se renvoyaient l'un à l'autre des regards furtifs, sentant combien il était peu probable que l'empereur acceptât les conditions exigées par le coteau. En effet, l'esprit du dragon, l'empereur, n'était rien moins que satisfait. Après donc être resté quelque temps plongé dans ses réflexions, il s'adressa aux magistrats civils et militaires rangés à ses côtés et leur demanda quels moyens il y avait de repousser l'attaque des barbares dans le cas où leurs troupes envahiraient la Corée. Les très généraux demeurèrent muets comme des idoles d'argile ou comme des statues de bois. Aucun d'eux n'osa hasarder une réponse. Le docteur Ho Chi, lui seul, fit à l'empereur cette observation. « Sire, votre respectable aïeul Taizong, dans 3 expéditions contre la Corée, perdit on ne sait combien de soldats, sans pouvoir mener à fin son entreprise, et le trésor en fut épuisé. Grâce au ciel, Kaesu Wen mourut, prince coréen qui assassina son roi et se souleva en 642. Profitant des dissensions qui éclatèrent entre les fils de l'usurpateur, le glorieux empereur Taizong confia à 2 vieux généraux, Li Xie et Pin Jinkui, 1 million de braves, et après 100 combats plus ou moins importants, la Corée fut enfin anéantie et soumise. Mais depuis longtemps en paix, nous n'avons ni généraux ni soldats. Si nous voulons de nouveau saisir le bouclier et la lance, il nous sera difficile de résister, et notre défaite est certaine. Nos soldats sont poursuivis par un malheur acharné qui finira je ne sais quand. Toutefois, je désire connaître la sage détermination de Sa Majesté. « Puisqu'il en est ainsi, dit Yuan Tsong, que répondre aux ambassadeurs ?»« Daignez interroger Li Pei, reprit le docteur, il parlera convenablement. » Yuan Tsong adressa donc ses questions au poète. Et Li Pei répondit, « Je ferai observer à votre majesté que cette affaire ne doit en rien troubler son esprit éclairé. Demain, donnez ordre aux ambassadeurs de se présenter à l'audience, et votre sujet leur parlera en face, dans leur propre langue. Les termes de sa réponse feront rougir les barbares, et il faudra bien que leur coteau vienne apporter ses hommages au pied de votre trône. » « Et le coteau, qu'est-ce que c'est ? » demanda Yuan Tsong. « D'après l'usage de leur pays, répondit Li Pei, c'est le nom que les Po Hai donnent à leur roi, comme les Huaihu appellent leur chef Ko Han. Les Huaihu sont les mêmes peuples de race turque qui, au XIIIe siècle, sont connus sous le nom de Ouïghours. Les Tibétains Zanpo, les Lo Chao, Chao, peuple divisé en 6 tribus qui occupaient au sud-ouest de la Chine un pays considérable que représente à peu près de nos jours la province du Yunnan. Les Ho Ling, 6 Mo Wei, chacun selon la coutume de sa nation. Au temps des Tang, il existait, au sud de l'Empire, un royaume de Ho Ling soumis à la Chine et qui se trouvait compris dans ce qui forme aujourd'hui la province dont Canton est la capitale. À ce flux intarissable d'explications, le cœur du sage souverain éprouva une grande joie, et ce jour-là même, il décora Li Pei du titre de docteur du collège académique. Un logement fut préparé pour le poète dans le palais des clochettes d'or, nom que l'on donne au palais occupé par les académiciens Hanlin, institué par ce même Yuan Tsong, parce qu'il était contigu à celui des empereurs nommé palais des clochettes d'or. Les musiciens firent retentir à grand bruit les instruments à cordes, le kin et le sé. Les femmes versèrent le vin, les jeunes filles richement vêtues firent circuler la coupe, et les voix destinées à charmer l'empereur célébrèrent la gloire de Li Pei. Quel délicieux, quel ravissant banquet! Il eût été difficile de rester dans les bornes de l'étiquette prescrite par les rites. Li Pei mangea de tout son cœur, puis, après avoir bu copieusement, il perdit connaissance. L'empereur ordonna aux officiers de sa maison de porter le poète dans le palais et de le placer sur un lit. Le lendemain, au coup de tambour qui annonçait la cinquième veille, Yuan Tsang se rendit pour siéger dans la salle d'audience. Au milieu du silence, le fouet qui écarte la foule a retenti trois fois. Les magistrats civils et militaires forment le cortège, alignés sur deux rangs. Le lendemain matin, Li Pei, à son réveil, n'avait pas l'esprit bien net. Les mêmes officiers du palais s'empressèrent de l'amener à l'audience. Lorsque tous les magistrats eurent achevé de présenter leurs hommages au pied du trône, Yuan Tsang appela près de lui le poète Li Pei. Mais il s'aperçut que le visage du nouvel académicien portait encore des traces d'ivresse. Son regard décelait une intelligence troublée. Aussitôt, le souverain envoya chercher dans ses cuisines impériales un peu de vin capable de réveiller le poète endormi et du bouillon de poisson assaisonné. En un instant, les serviteurs apportèrent sur un plateau d'or ce qui leur avait été demandé, et Yuan Tsang, voyant le vase tout fumant, daigna de sa main auguste remuer longtemps le bouillon avec son bâtonnet d'ivoire. On sait que les Chinois se servent de bâtonnet au lieu de cuillère pour manger. Puis il le servit lui-même à Li Pei. Celui-ci se mit à genoux, mangea et but, et une joie brillante illumina son visage. Or, parmi les 100 magistrats qui étaient témoins des faveurs insignes dont Yuan Tsang comblait Li Pei, ceux-ci étaient mécontents et se formalisaient d'une si étrange familiarité. Ceux-là se réjouissaient en voyant comme sa majesté savait se concilier l'affection des hommes. Quant aux deux examinateurs, Yang Kuei et Cao Li, la couleur de leur visage trahissait le dépit qu'ils éprouvaient. Cependant, sur l'ordre de l'empereur, les ambassadeurs sont introduits et saluent sa majesté par acclamation, tandis que Li Taipei, revêtu de la robe violette, coiffé du bonnet de gaze, svelte et gracieux comme un immortel ou comme une nue glacée, tenant en sa main la lettre des étrangers, debout à la gauche du trône, à la place de l'historiographe, donne lecture de la note des Pohai d'une voix limpide et claire, sans se tromper d'un mot. Se tournant ensuite vers les envoyés saisis d'effroi, il leur dit « Votre petite province a manqué au rite, mais notre sage monarque, dont la puissance est vaste comme le ciel, dédaigne d'y prendre garde. Voici la réponse qui vous est signifiée. Écoutez-la en silence. » Les ambassadeurs, épouvantés, tremblants, tombent aux pieds du trône. Déjà l'empereur a fait disposer près de lui un coussin enrichi des plus beaux ornements. Il prend une pierre de jade blanc venue du pays de Yutian qui sert à broyer l'encre, un pinceau de poils de lièvre resserré dans un tube d'ivoire, un bâton d'encre aux armes du dragon et parfumé, une feuille de papier dorée et fleurie, nuancée de toutes les couleurs. Et lorsque ces ustensiles sont rangés à leur place, il les donne à Li Pei, qui est assis à côté du siège de sa majesté sur le coussin brodé, prêt à écrire la réponse en caractères étrangers. « Sire, objecta alors le poète, les bottes de votre sujet ne sont pas assez propres. Il les a salies au banquet de la nuit dernière. Il espère que votre majesté, dans sa généreuse munificence, lui donnera des bottines neuves et des chaussettes avec lesquelles il puisse monter sur l'estrade. » L'empereur se rendit à son désir, et un serviteur eut l'ordre d'aller chercher et d'apporter les chaussures. Mais Li Pei ajouta « Sire, votre sujet a un mot à dire encore, et il vous supplie d'avance d'excuser sa conduite inconvenante. Alors il osera vous adresser une demande. » « Vous tenez là des propos déplacés et inutiles, » reprit l'empereur. « Cependant, je ne m'en offense pas. Voyons, parlez. » « Eh bien, sire, » ajouta Li Pei, « au dernier concours, votre sujet a été éliminé par Yang Kuei et mis à la porte par Cao Li. Aujourd'hui, la vue de ces personnages que votre sujet aperçoit ici à la tête des magistrats jette un certain trouble dans ses esprits. Votre voix de jade daignera-t-elle commander à Yang Kuei de broyer l'encre de votre humble sujet, tandis que Cao Li lui attacherait ses chaussettes et lui lacerait ses bottines ? Alors l'intelligence et la verve de votre serviteur commenceraient à retrouver leur énergie, et il lèvera le pinceau pour tracer votre réponse dans la langue des barbares. Et en prenant la parole au nom du Fils du ciel, il pourra ne pas rester au-dessous de la confiance dont il est honoré. Au moment où il avait besoin de Lipe, Yuan Zhong craignait de le rebuter. Il lui fallut donc donner cet ordre bizarre. Yang Kuei broya l'encre sur la pierre et Cao Li chaussa les bottines au poète, et ils songeaient tous les deux, au fond de leur cœur, que cet étudiant si mal reçu, si maltraité par eux, bon tout au plus à leur rendre ses humbles services, profitant maintenant des faveurs subites dont l'empereur le comblait, prenait à son tour pour texte les paroles prononcées contre lui et se vengeait ainsi de l'injure passée. Mais hélas, que faire? Il ne pouvait aller contre la volonté du souverain, et s'il ressentait de la colère, il n'osait du moins l'exprimer. Le proverbe est bien vrai. Ne vous attirez l'inimitié de personne, car l'inimitié ne s'apaise jamais. L'injure retourne contre celui qui a injurié, et les paroles piquantes contre celui qui les a dites. Le poète triomphait, il était au comble de ses vœux. Chaussé comme il l'avait désiré, il monte sur le tapis qui recouvre l'estrade et s'assied sur le coussin brodé. Le ministre Yang Kuei était à ses côtés, qui broyait et faisait ruisseler l'encre. Certes, de l'esclave qui frotte le bâton d'encre au magistrat qui donne des conseils à l'empereur, la différence était grande. Pourquoi le poète était-il assis alors que le premier ministre se tenait debout comme un serviteur? C'est que Li Pei transmettait par sa propre bouche les ordres du divin empereur, qui, le comblant de ses faveurs augustes, dérogeait pour lui aux exigences des rites. Tandis que Yang Kuei, abaissé au rôle inférieur de broyeur d'encre, ne pouvait avoir la permission de s'asseoir, il fallait donc qu'il se tînt sur ses jambes. De la main gauche, Li Pei caresse la barbe qui pend à son menton. De la droite, il saisit et élève la touffe de poils de lièvre des montagnes et l'applique sur le papier fleuri. Ses doigts s'agitent et courent sans relâche. En une minute, des caractères pareils à ceux des barbares, bien tracés, bien rangés, sans faute ni rature, couvrent la feuille et il la présente sur la table du dragon. À cette vue, l'empereur reste stupéfait. C'est identiquement l'écriture des barbares. Pas une lettre ne ressemble au caractère chinois. Sa Majesté fait circuler la feuille parmi les magistrats pour qu'ils l'examinent. Tous en sont surpris l'un après l'autre. « Maintenant, dit Yuan Zhong au poète, donnez-nous en lecture. » Placé devant le siège impérial, Li Pei lut d'une voix sonore la réponse aux étrangers. Elle était ainsi conçue. Le grand empereur de la dynastie des Tang, dont le règne a pour titre le nom des années Kai Wen, donne ses instructions au coteau des Po Hai. Depuis les temps anciens, le roc et l'œuf ne se heurtent pas. Le serpent et le dragon ne se font pas la guerre. Notre dynastie, favorisée par le destin, étend sa puissance, et en possession du trône, elle règne jusqu'aux quatre mers. Elle a sous ses ordres des généraux courageux, des soldats héroïques, des cuirasses solides, des glaives tranchants. Votre voisin, le roi Ye Li, qui avait refusé l'alliance, a été fait prisonnier. Mais les peuples Putsan, après avoir donné en présent un oiseau de métal fondu, ont prêté serment et obéissance. Le Sinlo, à l'extrémité méridionale de la Corée, nous envoie des louanges écrites sur de riches tissus de soie, la Perse des serpents qui prennent les rats. Dans les nouveaux mélanges asiatiques de Remusa, volume 1er, page 252, on lit l'an 638 de Jésus-Christ, il vint de Perse un tribut et les envoyés qui l'apportèrent offrirent de plus un serpent, lézard, vivant, qui pénétrait dans les trous pour y prendre les rats. L'Inde des oiseaux qui savent parler, l'Empire romain des chiens qui conduisent des chevaux en tenant une lanterne dans leur gueule. Une histoire du temps des Tang parle d'un petit chien long d'un pied et haut de 6 pouces, envoyé par le roi des Ouïghours qui guidait des chevaux en portant devant eux une lanterne. Ici, ce présent est attribué à l'ambassade romaine, Fu Lin. Le perroquet blanc est un présent du royaume de Koling. L'escarboucle qui brille dans la nuit vient de Tianpa, dans la Cochinchine. La tribu des Koli, peuple de famille Ouïghour établi au 8e siècle au sud du lac Baïkal, nous a donné des chevaux renommés. Le Népal a fait hommage de ses vases précieux. En un mot, il n'y a pas une nation qui ne respecte notre majesté imposante et ne témoigne des égards aux vertus qui nous distinguent. La Corée seule résista aux volontés du ciel, mais la vengeance divine a appesanti sur elle ses châtiments, et un empire qui comptait 9 siècles de durée a été anéanti en un matin. Pourquoi donc ne pas profiter des pronostics terribles que le ciel vous donne en exemple? Cela ne montre-t-il pas cependant sa sublime pénétration? Et d'ailleurs, votre petit pays, situé au-delà de la presqu'île, n'est guère qu'une province de la Corée. Comparé au céleste empire, ce n'est qu'une principauté. Vos ressources en hommes et en chevaux ne s'élèvent pas à la 10 000e partie de celle de la Chine. Vous êtes comme la sauterelle qui s'irrite et compte sur sa force pour arrêter un char, comme l'oie qui s'enorgueillit et ne veut pas se soumettre. Sous les armes des guerriers du céleste empire, votre sang coulera dans un espace de 1000 lis. Prince, vous êtes dans le même cas que cet audacieux qui a refusé l'alliance et dont le royaume est devenu une annexe de la Corée. Aujourd'hui, les plans de notre sage empereur sont vastes comme l'océan. Il supporte avec patience votre conduite coupable et opposée à toute raison. Hâtez-vous donc de prévenir des malheurs par le repentir et payez avec zèle le tribut de chaque année. Par là, vous éviterez la honte et l'opprobre dont vous seriez couvert en vous exposant à la risée de vos voisins. Réfléchissez 3 fois à ces instructions. Ordre spécial. La lecture de cette réponse remplit de joie l'empereur Yuan Zong, qui ordonna à Lipé de la faire connaître aux ambassadeurs, puis il la cacheta de son sceau impérial. Le poète appela Cao Li, le chef des gardes, pour qu'il lui chaussât les bottines qu'il avait quittées, et il retourna au palais des clochettes d'or avertir les envoyés de venir écouter les instructions du souverain. Il leur lut d'un bout à l'autre la lettre qu'il venait d'écrire, et en prononça les mots d'une voix harmonieuse et vibrante, de sorte que les étrangers, n'osant articuler une parole, restèrent pâles d'effroi. Mais en prenant congé de sa majesté, ils ne purent se soustraire à la danse mêlée de saluts ni aux acclamations de « Vive l'empereur !». L'académicien Ho Chi les reconduisit jusqu'aux portes de la capitale, et là les ambassadeurs lui demandèrent confidentiellement quel était cet homme qui avait donné lecture des instructions impériales. « Il se nomme Li Pei, » répondit Ho Chi. « Il a le titre de docteur du collège des Hanlin. » Au milieu de tant de dignitaires, le premier ministre broyait son encre et le chef des gardes laçait ses bottines. « Écoutez, » ajouta Ho Chi, « ces deux personnages sont à la vérité des magistrats intimes de Sa Majesté, mais ce sont de très nobles courtisans qui ne dépassent pas la ligne des hommes ordinaires. Le docteur Li Taipei, au contraire, est un immortel descendu des cieux sur la terre pour aider de ses secours le souverain du céleste empire. » Quel autre pourrait l'égaler ? » Là-dessus, les ambassadeurs s'éloignèrent en hochant la tête. De retour dans leur capitale, ils rendirent compte de leur mission au souverain. À la lecture de la réponse de Li Pei, le Koto fut terrifié et il entra en délibération avec ses conseillers. Le céleste empire avait pour soutien un immortel descendu des cieux. Était-il possible de l'attaquer ? Il écrivit donc une lettre de soumission, témoigna le désir d'envoyer chaque année un tribut, et chaque année, en effet, il vint en personne faire sa cour au souverain de la Chine. Mais ici, l'histoire se divise. Second chapitre. L'empereur traitait donc Li Pei avec les plus grands égards. Et il aurait désiré faire davantage encore en lui donnant une charge, mais le poète refusait. « Sire, disait-il, votre sujet ne veut point de place. Ce qui lui sourit, C'est de pouvoir, au gré de sa fantaisie, errer en toute liberté, sans affaires qu'il occupe, et devenir l'humble serviteur de son empereur, comme sous les Han, le favori Tong Fang-su. Très bien, répondit Yuan Song. Le docteur Li Pei ne veut pas d'emploi. Les pièces de monnaie jaune, les tablettes de jade blanc, les diamants rares, les pierres précieuses dont nous pouvons disposer, voilà ce qu'il aime. Non, sire, reprit Li Pei. Votre sujet n'a souci ni de l'or, ni du jade de sa majesté. Ce qui lui plairait, ce serait d'accompagner son souverain en voyage et de passer tous ses jours à déguster d'excellents vins dont il viderait jusqu'à 3 000 verres. Cela lui suffirait. Connaissant donc les sentiments désintéressés du poète, l'empereur ne voulut en rien le contraindre. De temps en temps, il l'invitait à un banquet et le gardait dans le palais des clochettes d'or pour causer avec lui des affaires du gouvernement. Les faveurs impériales ne cessaient de pleuvoir sur le docteur. Un jour, Li Taipei se promenait à cheval dans les rues de Chang'an lorsqu'un bruit confus de gong, de tambour frappe son oreille, et il voit une troupe de gens armés de haches et de couteaux qui s'avancent en escortant un char fermé dans lequel était un captif. Le poète arrête les gardes et les questionne. C'étaient des recors venus de Pingcheu qui amenaient prisonnier un général rebelle, vaincu et condamné à être décapité le même jour sur la place du marché de l'Est. Or, ce captif était un fort bel homme qui annonçait dans sa personne quelque chose de très distingué, et quand on lui demanda son nom, il répondit d'une voix retentissante comme l'airain de la cloche « Je m'appelle Kuo Tse-hi ». Li Pei avait vu dans cette physionomie les traits d'un homme supérieur. Devenu depuis ces circonstances glorieuses un des appuis de l'État, le poète crie brusquement aux soldats de s'arrêter. « Attendez, dit-il, que j'aille présenter une requête au pied de Sa Majesté et me rendre caution de ce prisonnier. » Tout le monde reconnut Li Taipei, le docteur, l'immortel exilé, celui-là même dont la main impériale avait remué le bouillon avec son bâtonnet d'ivoire. Qui donc eût osé lui désobéir? Le poète, s'étant en effet dirigé à cheval vers le palais, demande à voir l'empereur, sollicite et obtient de lui une lettre de grâce qu'il revient lire sur la place du marché. Il ouvre ensuite le char fatal et en fait sortir Kuo Tse-hi, à qui la peine de son crime est remise et la liberté rendue, sous la condition qu'il méritera son pardon par de loyaux services. Le captif témoigna à Li Pei toute sa reconnaissance de ce bienfait signalé. Plus tard, il se souvint de son généreux libérateur et le sauva du même péril. Il y a dans le texte « Dans d'autres temps, il noua l'herbe ». Cette expression proverbiale est empruntée au Tao Chuen, et voici le fait tel qu'il est rapporté livre 3, folio 55 de cette chronique. Wei Chu, nommé aussi Wu Tse, avait une concubine favorite qui ne lui avait point donné d'enfant. Il tomba malade et recommanda cette femme à son fils Wei Ko, dans le cas où il viendrait à mourir. Puis, sa maladie s'étant aggravée, il changea d'avis et exigea que son héritier la fît périr à sa mort. Le vieux prince expira peu de temps après, et Oaiko se chargea de la concubine de son père. « La souffrance avait égaré sa raison, pensa-t-il. Ainsi donc, je suivrai les premières recommandations qu'il m'a laissées. » Dans la suite, cette femme était vivante encore. Wei Ko attaqua le roi de Tsin, nommé Tu Wei, et il était serré de près par lui lorsqu'il aperçut sur ses talons un spectre qui nouait l'herbe pour faire tomber l'ennemi acharné à sa poursuite. En effet, Tu Wei s'embarrassa le pied et fit une chute. La nuit suivante, Wei Ko vit en songe cette même apparition qui lui dit « Je suis le père de la concubine sauvée. vous avez eu égard non aux dernières paroles, mais aux premières recommandations de votre père, et vous n'avez pas fait périr ma fille. J'ai noué l'herbe sous les pas de votre ennemi afin de vous témoigner ma reconnaissance d'un si grand service. » Il sera fait mention de cette histoire en son lieu. Nous dirons seulement qu'à cette époque, il y avait au palais de belles fleurs envoyées en présent du pays de Yangcheu. Ces plantes, nommées Mo Shou Yo du temps des Tang, sont les mêmes que nous appelons maintenant Meutan, pivoine. Il en avait levé dans le palais quelques variétés qui revêtirent en s'épanouissant des nuances de diverses couleurs. C'était la grande rouge, la verte foncée, l'orange pâle et la blanche transparente. Yuan Song les avait fait transplanter devant la galerie des parfums enivrants et il prenait plaisir à les admirer en compagnie de l'impératrice Yang Kui. Les comédiens furent appelés pour faire de la musique, mais l'empereur pensa que, puisque la princesse aimait à jouir de la vue de ses Meutan, on ne devait pas célébrer des plantes nouvelles avec d'anciennes chansons. Il voulut que le chef de la troupe, qui se nommait Li Kuenyan, allât à la recherche du poète Li Pei. Les serviteurs du palais vinrent annoncer que le docteur était sorti et qu'il devait être à boire dans la taverne du marché. Li Kuenyan ne courut donc point dans les 9 grandes rues, il ne chercha point dans les 3 grandes places, mais allant droit vers le marché, il entendit, du haut de l'étage supérieur d'un vaste cabaret, une voix qui chantait. Quand on a bu 3 verres, on a l'intelligence de la grande voix. Quand on a vidé la bouteille, on est identifié avec elle. Ce n'est que dans les vapeurs du vin qu'on trouve le vrai bien-être. Et sans s'éveiller de son ivresse, le poète passe à la postérité. Si ce chanteur n'est pas notre académicien Li Pei, pensa le comédien, qui sera-ce? Il monte précipitamment l'escalier. Le poète était là, installé tout seul sur un tout petit siège. Près de lui est une table qui porte un vase de porcelaine, du milieu duquel s'élève une branche de pêcher couverte de belles fleurs marbrées. C'était devant ce bouquet qu'il chantait et buvait. Déjà, il avait vidé bien des verres. Il était ivre, très ivre, et il tenait toujours en main sa large tasse qu'il ne quittait pas. « Sa Majesté est dans la galerie des parfums, » dit alors l'acteur Kuenyan en s'adressant au buveur, et elle prie le docteur Li Pei de s'y rendre au plus vite. En entendant l'ordre de l'empereur, tous les hôtes de la taverne, frappés de surprise et de crainte, se lèvent et se regardent avec inquiétude. Mais le poète n'avait plus la moindre lueur de raison. Il ouvre ses yeux appesantis par le vin, et en face du musicien, il récita ce vers avec un accent de joyeuse et insouciante gaieté. « Je suis ivre, je veux dormir. Ainsi, allez-vous promener ?» Après avoir articulé ces paroles, comme son regard était fort obscurci par les vapeurs du vin, il voulut en effet dormir. Aussitôt le comédien prit son parti. Il fit un geste par la fenêtre. 7 à 8 domestiques montèrent et, sans plus d'explication, prompts à exécuter ses ordres, ils se saisirent de Li Pei, puis l'emportèrent hors de la taverne et le firent asseoir sur un superbe cheval pommelé. Tandis que ceux-ci soutenaient le poète à droite et à gauche, Kuenyan suivait et fouettait la monture. Le cortège marcha directement vers la salle des 5 phénix, et l'empereur, qui avait déjà envoyé des serviteurs pour hâter leur arrivée, permit à Li Pei d'entrer à cheval jusque dans le palais. Dès que Kuenyan cessait de servir de point d'appui au poète, celui-ci était prêt de tomber. Ils se mirent donc tous à le soutenir par les bras et le conduisirent de cette manière dans la partie retirée du palais où se trouvait Yuan Song. Après avoir traversé les fossés qui font naître la joie, ils arrivèrent avec leur fardeau à la galerie des parfums enivrants. Lorsqu'il vit paraître Li Pei à cheval, les yeux entièrement fermés, Plongé encore dans le sommeil de l'ivresse, l'empereur ordonna aux gens de sa suite d'étendre sur les dalles de la galerie un tapis violet de la couleur même de la robe du docteur, afin qu'en descendant de cheval, il pût s'y étendre. Ensuite, il s'avança pour considérer le poète de plus près, et remarquant quelques gouttes de salive autour de la bouche de Lippet, le souverain du céleste empire les essuya avec sa manche aux armes du dragon. L'impératrice fit observer qu'on répandait ordinairement un peu d'eau froide sur le visage des personnes endormies pour les réveiller, et les serviteurs du palais allèrent aussitôt en puiser dans le fossé qui fait naître la joie, une pleine coupe que les jeunes suivantes de l'impératrice jetèrent sur la figure du docteur. Li Taipei est réveillé en sursaut au milieu de son rêve. Il aperçoit devant lui sa majesté et, rempli d'effroi, il se prosterne. « Sire, dit-il, votre sujet a mérité mille fois la mort, mais l'immortel était dans les fumées du vin et par bonheur sa majesté est indulgente. » Yuan Song lui tendit sa noble main pour le relever et dit « Je suis ici avec mon épouse et mes fils, occupés à admirer de belles fleurs qui réclament des chansons nouvelles. » Ainsi, nous vous avons appelé pour que vous composiez deux pièces de vers qui puissent se chanter dans un ton brillant. Li Kuei-nien présenta le papier fleuri et doré au poète, qui, tout plein encore de l'inspiration du vin, écrivit les trois pièces que voici. 1. En voyant les nus, je songe à votre parure. En voyant les fleurs, je songe à votre visage. La brise du printemps caresse la jalousie de la fenêtre, les touffes de fleurs richement épanouies ruissellent de rosée. Si le sommet du mont Qianyuchan ne s'était pas montré devant moi, j'aurais pu vous rencontrer à la clarté de la lune dans le séjour des dieux. 2. La branche pourpre qui étincelle de rosée répand un frais parfum. Les nuées et les pluies qui battent incessamment le mont Wuchan attriste mon cœur. Demanderai-je ce qui retrace cette image dans le palais des Han? Hélas, l'hirondelle légère se confie dans l'éclat d'une nouvelle parure. 3. Les belles fleurs, dont la possession ferait naître des guerres à ruiner des empires, s'épanouissent toutes ensemble. Depuis longtemps, elles ont pu réjouir les yeux des princes et de l'empereur. Ils oublient en les voyant les chagrins sans fin que fait naître l'amour et s'appuient sur la balustrade au nord de la galerie des parfums enivrants pour les contempler. L'amour est désigné ici par l'expression poétique de « vent du printemps ». Note de l'auteur à la fin du livre. Il faut rectifier la troisième pièce de vers ainsi qu'il suit. La fleur célèbre et la belle favorite qui cause la ruine des empires, s'empressent à l'envie de plaire au monarque, et déjà toutes les deux ont obtenu d'attirer son gracieux regard. Oubliant les jalousies sans fin que l'amour a fait naître, la favorite s'appuie au nord de la galerie des parfums enivrants pour jouir du spectacle des méoutants. « C'est superbe! Quel talent divin ! S'écria l'empereur en prodiguant des éloges à ces trois pièces de vers. Voilà de quoi culbuter tous les docteurs du collège des Hanlin. Il ordonna à Li Kuei-nien de noter ses stances et de les chanter. Tous les musiciens de la troupe s'avancèrent avec leurs instruments à vent et à cordes, et Yuan Tsong les accompagna lui-même avec sa flûte de jade. L'empereur Yuan Song aimait beaucoup la musique. Ce fut même chez lui une passion qui le détourna des affaires publiques et causa tous les malheurs de la fin de ce beau règne. Lorsque le concert fut achevé, l'impératrice souleva le voile de soie brodée et salua l'empereur à plusieurs reprises pour le remercier du plaisir qu'il lui avait procuré. « Ce n'est pas moi, » dit alors Yuan Song. « Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, mais bien le poète Lippet. » Et là-dessus, la princesse, prenant une coupe enrichie de toutes sortes de pierres précieuses, la remplit du jus des vignes de Siliang et les jeunes filles du palais la présentèrent à Taipei qui la vida. Sa Majesté daigna aussi lui permettre de se promener dans le parc réservé et ordonna à ses serviteurs de le suivre avec des coupes d'un vin choisi. Le poète put donc se livrer de tout cœur à son goût favori. Depuis qu'il était établi dans le palais, chaque jour il était appelé devant l'empereur, et chaque jour l'affection et l'estime de la princesse augmentaient. Cependant, Cao Li, le chef des gardes, conservait contre Taipei une rancune qui datait de l'affaire des bottines, et il cherchait une occasion de s'en venger. Un soir, donc, l'impératrice récitait à haute voix les trois pièces de vers composées à l'occasion des pivoines et louait avec transport cette poésie. Cao Li Se, s'étant assuré qu'elle était seule, saisit l'occasion et s'adressant à la princesse, « Vraiment, lui dit-il, s'il ne se trompe, l'esclave indigne croit entendre son Altesse elle-même réciter les stances de Li Taipei. Quand la colère devrait s'emparer de toute votre personne, vous vous plaisez au contraire à redire ces vers. » « Et qu'est-ce qui doit exciter à ce point mon courroux ? » demanda l'impératrice. « Ah ! » reprit Cao Li, « écoutez ce vers qui dit, hélas, l'hirondelle légère se confie dans l'éclat d'une parure nouvelle. Ce vers fait allusion à la favorite Chao, épouse de l'empereur Qingti de la dynastie des Han occidentaux, dont le petit nom était Fei Yan, l'hirondelle légère. Qingti monta sur le trône l'an 32 avant Jésus-Christ. La princesse dont il est ici question était une comédienne dont il fut très épris et qui l'éleva au rang d'impératrice. Maintenant, dans la peinture, on représente un guerrier tenant à la main un bassin d'or, sur lequel est une jeune fille qui relève ses manches et danse. Cette jeune fille, c'est Fei Yan. Elle avait une taille fine et délicate, une démarche légère et gracieuse. Elle était comme une branche fleurie qui tremble et vacille sous la main qui la touche. L'empereur la combla de faveurs sans égale, et cependant, qui l'eût cru ? L'hirondelle légère entretenait de coupables relations avec un officier de la cour qu'elle trouvait moyen de cacher dans la double boiserie de la muraille. Un jour, l'empereur, en entrant dans le palais, entendit tousser derrière la tapisserie. Il chercha avec la main, trouva le coupable et le tua. Il avait l'intention de répudier la princesse, mais grâce à ses artifices et à ceux de sa sœur, elle para le coup. Seulement, pendant le reste de ses jours, elle ne put reparaître à la cour avec le titre d'impératrice. Ainsi, dans cette pièce de vers, Li Pei vous compare à l'hirondelle légère. Il vous attaque et vous injurie par les paroles que je viens de citer. Se peut-il donc, princesse, que vous ne vous en soyez pas aperçue ? C'est que, vers le même temps, l'impératrice entretenait aussi avec le traître Gan Lo Chan des liaisons criminelles, tant au dehors qu'au dedans du palais. Et toute la cour était instruite de cette intrigue, à l'exception de l'empereur aveuglé. Par l'allusion qu'il venait de hasarder, Cao Li avait enfoncé une épine dans le cœur de la princesse, qui en conçut une haine profonde pour Li Pei. Elle parla de lui à Yuan Song comme d'un buveur grossier sans éducation qui ne connaissait ni les devoirs d'un homme ni ceux d'un sujet. L'empereur remarqua que son épouse avait du mécontentement contre le poète. Il ne le fit plus appeler au palais et à partir du jour suivant ne l'invita plus à venir boire. De son côté, Li Pei ne fut pas sans s'apercevoir que cette disgrâce lui était suscitée par Cao Li. Il comprit aussi que Sa Majesté avait l'intention de rompre ses rapports avec lui. Cependant, plusieurs demandes qu'il adressa pour obtenir la permission de s'éloigner restèrent sans réponse. Alors il s'abandonna sans réserve à son goût pour le vin, passant les jours en orgie avec Ho Chi Chang, l'académicien, et sept autres compagnons de plaisir qu'on nommait alors les huit immortels du banquet. Au fond de son cœur, Yuan Song chérissait le poète et l'estimait. Toutefois, comme le temps de ses agréables réunions au palais était passé, Par le fait, il avait discontinué de le voir. Enfin, Li Pei, ayant à plusieurs reprises sollicité la permission de retourner dans son pays, l'empereur, qui n'avait point banni de son cœur ses anciens sentiments d'affection, le fit venir et lui dit « Vous avez de la poésie dans la pensée et de l'indépendance dans l'âme. Nous vous permettons d'aller pour quelque temps là où vous appellent vos vœux. » Le jour était à peine écoulé qu'il le rappela. « Vous nous avez rendu de grands services, » ajouta-t-il. « Pouvons-nous vous laisser retourner dans vos montagnes les mains vides ? Non. Aussi, tout ce dont vous avez besoin pour le voyage vous sera fourni par nous. » « Votre sujet ne manque de rien, » répondit Li Pei. « Un bâton et quelques pièces de monnaie pour acheter chaque jour de quoi boire, voilà tout ce qu'il lui faut. » Cependant, Yuan Song donna au poète une pancarte d'or, sur laquelle il avait écrit de sa main qu'il autorisait le docteur à parcourir tout l'empire sans être inquiété de personne, en s'abandonnant, suivant son gré et son caprice, au charme de la poésie, et buvant dans les tavernes des villes qui se trouveraient sur son chemin, le tout aux frais du trésor public. Dans les chefs-lieux de premier ordre, il devait recevoir 1000 quan. Le quan ou enfilade de 1000 deniers représente de nos jours 7,50 francs. Et dans les villes secondaires, 500. Quiconque, parmi les officiers civils et militaires, le peuple ou l'armée, manquerait d'égard envers le poète, serait déclaré rebelle. Enfin, l'empereur donna en espèces à Li Pei 1000 liangs d'or, un vêtement de soie, une ceinture ornée de jade, un fouet doré, un cheval des écuries du palais et 20 domestiques pour former sa suite. Le poète, prosterné aux pieds de sa majesté, lui exprimait sa reconnaissance, mais Yuan Tsang ajouta encore à ses présents 2 bouquets de fleurs en or et 3 flacons du vin de son palais. Puis il permit à Li Pei de monter à cheval en sa présence et de sortir ainsi du milieu de la cour. Les magistrats, ayant obtenu quelque temps de congé, offrirent à boire au docteur et l'escortèrent en pompe depuis la capitale jusqu'à un grand portique qui en est éloigné de 10 lices, et les coupes se succédèrent sans relâche. Yang Kuei, le ministre et le chef des gardes Cao Li, avaient trop de rancune contre le poète pour se joindre au cortège. Quant à l'académicien Ho Chi Chang et les autres intimes de Li Pei, ils allèrent le reconduire jusqu'à la distance de 100 lices, et il s'était écoulé 3 jours depuis le départ de la capitale quand ils se dirent adieu. Parmi les vers nombreux du poète, on a conservé ceux qui ont pour titre « Adieu aux amis du palais en retournant dans les montagnes ». En voici l'abrégé. Reconnaissant et fier de l'édite impériale, il s'élève comme la flamme au milieu d'une colonne de fumée. Un matin, il s'éloigne des académiciens, ses amis, et roule tristement au gré du vent, comme la plante s'enracine au gré des flots. Il s'en va sans fatigue chanter vers le menton mou. Les chants peuvent s'épuiser, mais les sentiments ne tarissent jamais. C'est par ces lignes qu'il prend congé de ceux qu'il aime, car le bateau vient au-devant du vieux pêcheur. Vêtu de soie, le bonnet de gaze sur la tête, Li Pei poursuit sa route à cheval, et partout où il passe, on l'appelle le seigneur aux habits de soie. En effet, sa dépense dans les villes et le vin qu'il boit aux tavernes, tout cela est payé par le trésor. Bientôt il arrive dans le Qin Cheu, et là il retrouve sa femme. Les magistrats du lieu, instruits du retour de Li Pei dans sa famille, viennent lui présenter leurs hommages et leurs félicitations. Il ne se passe pas un jour sans banquet. Cependant, les heures fuient, les mois se succèdent avec rapidité. La moitié d'une année s'était écoulée lorsque Li Pei annonça à sa femme qu'il allait se remettre en route pour visiter les fleuves et les montagnes. Cette fois, ne portant que les modestes insignes d'un lettré et tenant caché sur lui la pancarte donnée par l'empereur, il emmène pour tout cortège un petit domestique et choisit un âne pour monture. Bien décidé à voyager ainsi, il part, Dans les villes de premier et de second ordre, la pancarte est un talisman qui lui obtient tout ce qu'il veut consommer dans les cabarets. Enfin, comme il passait sur les frontières du district de Hoa In, il entendit dire par les habitants que le gouverneur de ce pays commettait des exactions et tyrannisait le peuple. Li Pei conçut l'idée d'aller lui donner une leçon. Il va droit au palais du magistrat, fait retirer son domestique et, resté seul, il pousse son âne en avant jusque dans la cour, aux portes même de l'hôtel où il frappe 3 fois. Le gouverneur était dans la salle d'audience, occupé aux affaires publiques. À la vue de cet étranger, il s'écrie à plusieurs reprises et avec impatience. « C'est insupportable, c'est horrible. Qui ose insulter ainsi et narguer un magistrat supérieur, le père et la mère du peuple ?»« Allez, » dit-il aux huissiers du tribunal, « amenez-moi cet inconnu afin que je l'interroge. » Le poète feignit d'avoir bu, et il ne répondit à aucune des questions du magistrat, qui le remit immédiatement aux mains des geôliers pour le conduire en prison. « En attendant que la raison lui revienne, » ajouta le gouverneur, « je vais lui faire un joli procès, et demain la sentence sera prononcée. » Les geôliers obéirent, et Li Pei fut mis au cachot. Mais il frisait sa moustache et souriait en regardant l'intendant des prisons. « Cet homme est fou, » dit l'officier. « Il a perdu la tête. »« Non, » répondit Li Pei, « je ne suis pas fou, je n'ai pas perdu la tête. »« Alors, » reprit l'intendant, « si vous avez votre raison, dressez donc une requête. Qui êtes-vous? Pourquoi entrer ainsi avec votre âne, jusque dans le palais, et braver arrogamment son excellence ?»« Bien, » répartit le poète, « je vais dresser une requête. Donnez-moi un pinceau et du papier. » On plaça devant lui, sur une table, les objets qu'il demandait, et poussant à l'écart l'intendant des prisons, il le pria de vouloir bien se tenir à distance pendant qu'il écrirait. « Définitivement, le pauvre homme est fou, » pensa l'officier. « Que va-t-il barbouiller ?» Or, voici la requête du poète. Celui qui dresse cette requête est natif de Kincheu. Son nom est Li Pei. À l'âge de 20 ans, ses talents littéraires étaient immenses. Quand il agitait son pinceau, les esprits et les démons versaient des larmes. Les 8 immortels de Chang'an, retirés sur la rivière des bambous, l'appellent le grand ermite. En écrivant une réponse aux barbares dans leur propre langue, il a répandu le bruit de sa renommée dans toutes les villes de l'Empire. Partout où s'avance le char de jade, il l'accompagne. Le palais des clochettes d'or est le lieu qu'il habite. Le bouillon qu'on lui a servi trop chaud est remué par la main impériale. La manche de sa majesté essuie la salive de ses lèvres. Le chef des gardes Cao Li lui chausse ses bottines. Le ministre Yang Kuei broie son encre. Celui qui a eu l'honneur d'entrer à cheval jusqu'au palais du Fils du Ciel ne peut-il donc se permettre de pénétrer dans l'hôtel du gouverneur de Hoa In monté sur un âne? Voici pour preuve de ce qu'il avance, la pancarte impériale où vous lirez ses titres. Sa requête achevée, Li Pei la présente à l'intendant des prisons, qui y jette les yeux et devient si tremblant qu'il est prêt de s'évanouir. Il frappe la terre de son front. Il se confond en témoignage de respect. « Docteur, vénérable docteur, s'écrie-t-il, je suis un misérable, un officier bien aveugle, mais je ne suis la cause de rien, on m'avait donné des ordres. » Puis-je espérer que, dans votre générosité, vaste comme les mers, vous daignerez excuser mon crime ?»« Ce n'est pas à vous que je m'en prends, » répondit Li Pei. « Seulement, je veux que vous alliez dire à votre commandant que je suis muni d'une pancarte de la main de Sa Majesté. Il se repentira de m'avoir fait jeter en prison. » L'intendant partit en faisant 1000 salutations et courut présenter la requête au gouverneur en lui racontant ce qu'il venait d'apprendre. À cette nouvelle, le magistrat fut interdit comme un enfant qui entend gronder la foudre sans pouvoir trouver un trou pour se cacher. Il se rendit en hâte dans la prison de Li Pei pour lui faire ses excuses et là, prosterné, « En vérité, lui dit-il, le stupide magistrat a si peu de clairvoyance qu'il ne sait pas discerner le mont Taichon. C'est par pure ignorance et sans nulle mauvaise intention qu'il a commis ce crime. Il vous supplie donc de vouloir bien lui pardonner. » Dès qu'ils furent instruits de cette affaire, tous les fonctionnaires du district vinrent saluer le poète et intercéder pour le gouverneur. Ils le prièrent de s'asseoir à la première place dans la salle d'audience. Là, les cérémonies achevées, Li Pei déploya la pancarte impériale et la donna à lire aux magistrats assemblés. « Voyez, leur dit-il, quiconque parmi les officiers civils ou militaires, le peuple ou l'armée lui manquera d'égard, sera considéré comme rebelle. D'après ce texte, quel châtiment avez-vous mérité ?» Et les magistrats, à ces mots de l'édit impérial, s'étaient de nouveau prosternés tous ensemble, et ils redoublaient leurs salutations en répétant « Nous avons mille fois mérité la mort ». Cependant, en les voyant tous si désolés et si suppliants, Li Pei se mit à sourire. « Ainsi, leur dit-il, vous recevez de Sa Majesté des emplois et des traitements. Serait-ce par hasard pour tyranniser et opprimer le peuple ? Changez donc de conduite, effacez vos torts passés et vous éviterez une humiliante punition. » Les magistrats avaient joint les mains en entendant ces paroles. Chacun d'eux en particulier s'en souvint et s'y conforma, et personne n'osa se laisser aller aux mêmes fautes. On prépara un grand festin dans la salle d'audience, et Li Pei fut magnifiquement traité. On ne se sépara qu'au bout de 3 jours. Quant au gouverneur de Hoa In, il purifia son cœur, revint à des sentiments de justice et fut par la suite un excellent magistrat. Toutefois, la nouvelle de cette aventure s'étant répandue dans la province, on en conjectura généralement que le docteur Li Pei faisait une tournée incognito pour examiner les mœurs du pays et surveiller la conduite des magistrats. Et il n'y en eut aucun qui ne renonçât à ses habitudes de cupidité pour adopter des principes meilleurs. Aucun qui, de pervers qu'il était, ne devint honnête et vertueux. Le poète parcourut l'un après l'autre le pays de Chao, de Wei, de Yen, de Xin, de Xi, de Liang et de Tzu, choisissant les fleuves et les montagnes pour lieu de halte dans les tavernes et pour sujet de vers. Mais à l'occasion de la révolte de Ngan Lo Chan, Turc réfugié en Chine, qui devint le favori de Yuan Zhong, se révolta contre son maître en 755, bâtit ses armées, entra dans la capitale, d'où le souverain s'était enfui, et se fit déclarer empereur. L'empereur s'était retiré dans le pays de Chou, avait fait périr son favori Yang Kuei au milieu de l'armée et pendre l'impératrice dans une pagode bouddhique. Li Pei, afin d'éviter ses troubles, alla se cacher au mont Luchan. Lorsque Qing Wanling, général en chef commandant du sud-est, profitant des circonstances, songea à monter sur le trône, il se souvint de ce qu'on avait dit des talents de Li Pei, le força de descendre de sa montagne et voulut lui donner une place que le poète ne pouvait accepter sans trahison. Il refusa donc cette offre, mais il fut retenu au camp du général. Plus tard, dès que Su Zong fut proclamé empereur légitime à Lingwu, il nomma pour commandant en chef de la cavalerie Kuo Zhe-yi, celui-là même que Li Pei avait arraché à la mort. Les deux capitales étaient rentrées dans le devoir quand arriva la nouvelle de la révolte méditée par Qin Wang. Or, ce fut Kuo Zhe que l'empereur Su Zong envoya pour châtier les rebelles. Ceux-ci furent défaits. Le pauvre poète parvint à échapper au carnage, et il était arrivé en fuyant jusqu'à l'embouchure du Yangqiang, lorsque le poste qui gardait le passage l'arrêta. On le prit pour un des complices de la révolte et on le conduisit devant le général en chef. Mais c'était Kuo Zhe. Il reconnaît son libérateur et, renvoyant avec dureté le soldat qui l'amène, lui-même il détache les liens du captif, le fait asseoir sur son siège, puis, s'inclinant vers lui et le saluant avec politesse, « Docteur, lui dit-il. « Si autrefois vous n'aviez rendu un aussi éclatant service à un inconnu sur le marché de la capitale, qu'arriverait-il aujourd'hui » Là-dessus, il lui fit apporter du vin pour calmer sa frayeur, et après quelques nuits de repos, le poète fut tout à fait remis. Le général Kuo Tse se chargea de justifier Li Pei aux yeux de l'empereur. Il lui rappela les services rendus par le docteur à Yuan Tsong quand il avait écrit la réponse aux barbares de Pohai. Il loua ses talents remarquables dont on pouvait tirer un grand parti. C'est ainsi que le bienfait eut sa récompense. On a raison de dire « Si deux feuilles flottent de compagnie en retournant dans l'océan, les hommes n'auront-ils pas dans la vie une occasion de se rencontrer ?» Cependant, Yang Kuei avait été puni de mort et Cao Li, de son côté, envoyé en exil. Yuan Song, il vivait encore et lui-même s'était choisi un successeur en abdiquant entre les mains de son fils, était retourné du pays de Shou dans la capitale pour y vivre en qualité d'empereur honoraire. Il fit un si grand éloge de Li Pei devant Su Zong que ce nouveau monarque voulut le nommer son historiographe de la gauche. Mais le docteur objecta que les embarras sérieux et multipliés d'une semblable fonction ne lui permettraient pas de vivre dans la joyeuse indépendance à laquelle il était habitué. Il ne voulut point accepter, fit ses adieux au commandant Kuo Tse Yi et s'en alla promener en bateau sur le lac Tongting, grand lac dans la province de Honan. Puis il traversa de nouveau le Qin et le Lingzhou et vint jeter l'ancre aux abords du fleuve Tseishi. Or, cette nuit-là, la lune brillait. Il faisait clair comme en plein jour. Li Pei soupait sur le fleuve lorsque tout à coup, au sein des airs, retentit un concert de voix harmonieuses qui peu à peu s'approchèrent du bateau. Nul homme à bord n'entendit ces voix qui ne résonnaient qu'aux oreilles du poète. Puis il s'éleva aussitôt un grand tourbillon au milieu des eaux. C'étaient des baleines qui se dressaient debout en agitant leurs nageoires, et deux jeunes immortels, portant à la main des étendards pour indiquer la route, arrivèrent en face de Li Pei. Ils venaient de la part du maître des cieux le prier de retourner prendre sa place dans les régions supérieures. À cette vue, les gens de l'équipage tombèrent renversés par la frayeur, et à peine avaient-ils repris leur sens qu'ils virent le poète assis sur le dos d'une baleine. Les voix harmonieuses guidaient le cortège. Bientôt tout disparut à la fois dans les nues. Ce dénouement un peu puéril, bien qu'assez poétique, est un des sujets favoris que depuis longtemps les artistes chinois se plaisent à reproduire. Les groupes de porcelaine si communs en Europe, qui représentent un homme à cheval sur un poisson monstrueux, ne sont autre chose que l'apothéose du poète Li Taipei. Le lendemain, cette nouvelle fut racontée par les mariniers dans le district voisin. Deux des parents du poète la communiquèrent respectueusement à l'empereur, qui fit élever à l'immortel Li Pei sur les bords de ce fleuve un temple dans lequel on devait offrir des sacrifices au printemps et à l'automne. Dans l'année Taiping Hing Kuei du règne de Tai Tsong de la dynastie des Song, Tai Tsong monta sur le trône en l'an 976 de Jésus-Christ. Un lettré qui traversait les eaux du Tsaishi par une belle nuit de claire lune aperçut une voile de soie qui venait de l'Occident. À la proue de ce bateau, on remarquait un écriteau blanc sur lequel étaient peints ces deux mots, Chi Pei, le prince de la poésie. Aussitôt, le lettré se mit à chanter à haute voix les vers suivants. Quel est l'homme qui, au milieu du fleuve, prend le titre de prince des poètes, qu'il veuille bien donner un échantillon de son précieux talent? Et celui qui voguait dans la nacelle répondit sur le même ton, « Dans le silence de la nuit, ne te hasarde pas à entamer une pièce de verre décousu. Crains d'irriter l'étoile de Vénus qui va se plonger dans les ondes fraîches du fleuve. » Le lettré fut très surpris de cette réponse. Il voulut s'approcher pour éclaircir la chose. Le frêle esquif était disparu au sein des flots. L'homme qui le montait avait une robe violette et un bonnet de gaze. Sa démarche était légère comme celle d'un immortel. Il s'évanouit dans la direction du temple de Li Taipei, où le lettré le suivit par un instinct de curiosité. Mais l'être surnaturel se déroba à sa vue au milieu de l'édifice. Alors le jeune homme vit bien que celui dont il avait entendu la voix répéter les vers sur le même ton était l'immortel Li Pei lui-même. De nos jours encore, on appelle le docteur fameux l'immortel qui aimait à boire, le prince de la poésie. Tout le monde le place au premier rang et dit de lui. En écrivant aux barbares avec leur propre caractère, il déploya un talent divin. Le fils du ciel daigna de sa main impériale remuer le bouillon dans la coupe qu'il lui présenta. Lui seul, il est parti dans les airs monté sur une baleine. Le fleuve Tsai-chi, qui emprunte ses eaux au Qiang, en a gardé un pieux souvenir.